comme à l'accoutumée, c'est le moment de suivre le journal présenté à langue française, dont voici d'abord le sommaire. Le parti Côte des Bouts estime que la promesse présidentielle d'assurer nourriture et revenus pour tous n'a pas été tenue. Il attribue cet échec à la persistance de la vie chère durant les 5 années de gouvernance. Et la société civile, à travers la plateforme intégrale PISC Burundi, reconnaît des initiatives positives telles que projet d'appui à l'entrepreneuriat de jeunes paillèges, tout en soulignant des retards dans d'autres domaines sociaux. Le prix du kilogramme de Tindagara varie entre 100 000 et 160 000 francs bou au marché de Côte-Bourg en zone urbaine Ndongagara. Les commerçants pointent du doigt la hausse du prix d'achat, les difficultés de transport causées par la pénurie de carburant. Les affrontements armés et persistants à l'est de la RDC paralysent les échanges économiques via Gatumba. Les commerçants et transporteurs appellent à un retour rapide et durable de la paix dans la région. Tout de suite, les détails. À la présentation, vous êtes avec Ornella Mucho. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons ce journal par la page politique. Le parti Côte des Bouts estime que le programme principal que s'était fixé le président de la République, à savoir que chaque bouche est à manger, chaque poche de l'argent, n'a pas pu être réalisé. Le président de ce parti, Kefa Nibidi, précise que cela n'aurait pas été possible à cause de la cherté de la vie observée durant ses 5 années au pouvoir. Le chef de l'État s'était donné comme mission que chaque bouche ait à manger et que chaque poche ait de l'argent. Et depuis 2020, la monnaie burundaise a connu une dépréciation sans précédent, de telle sorte que plusieurs ménages n'ont plus de moyens financiers pour subvenir à leurs besoins, ce qui montre que l'argent a diminué dans la poche au lieu d'augmenter. Mais aussi, la montée des prix des produits alimentaires a fait que plusieurs familles ne puissent pas se procurer de quoi à manger. Il est rare maintenant de trouver une famille qui puisse manger 2 fois par jour. Donc, cette ambition n'a pas été réalisée parce que malgré que on s'était engagé à développer le secteur agricole, il n'y a pas eu beaucoup de réalisations dans ce domaine. Cependant, il a été marqué par le manque des engrais chimiques, ce qui a diminué la production, mais aussi l'élevage des lapins qui avait été annoncé n'a pas produit beaucoup d'effets parce que d'une part, il n'a pas été compris par la population, mais aussi il était mal planifié. Bref, on aurait dû avoir des infrastructures d'irrigation, on aurait dû avoir des soutiens financiers aux agriculteurs et les coopératives qui devraient supporter ça ont travaillé en faillite parce qu'elles étaient mal organisées. Donc, en un peu de mots, on dirait qu'on est retourné en arrière par rapport là où on était en 2020. Nous proposons qu'il y ait un dialogue inclusif de tous les Burundais pour dresser une feuille de route montrant comment faudrait-il redresser l'économie nationale qui est en berne, mais aussi il faudra ouvrir les portes aux partenaires techniques et financiers pour qu'ils puissent soutenir tous les secteurs de développement afin de rebooster l'économie nationale et qui est en chute libre. Et la société burundaise, à travers la plateforme intégrale PISC Burundi, en sigle, salue certaines initiatives positives, notamment dans le cadre des projets sociétaux comme le paillage, ainsi que des progrès réalisés sur le plan diplomatique durant les 5 ans de présidence d'Évariste Ndayishimiye. Toutefois, cette société reconnaît également qu'il subsiste des domaines où les avancées se font attendre. Et qu'il reste des défis à relever. C'est ce qu'a exprimé Bouli Koukié Hamza Venant, secrétaire général et porte-parole de la plateforme, qui estime que pour relever ces défis, il serait important de nommer au poste de responsabilité des cadres compétents et méritants issus des différentes composantes de la société. Le prix d'un kilogramme de petits poissons secs oscille actuellement entre 100 000 et 160 000 francs bou au marché de Côte-Bourg, situé en zone urbaine de Ngagara. Les vendeurs justifient cette flambée par l'augmentation du prix d'achat et même liée aux difficultés de transport engendrées par le manque de carburant. De leur côté, les acheteurs dénoncent un coût de la vie de plus en plus difficile. Et du côté des pêcheurs de la plage de Kajaga, la rareté des petits poissons est attribuée au même problème de carburant aggravé par l'utilisation de lampes de pêche à faible capacité d'éclairage. Tout cela lance un appel au gouvernement pour qu'il apporte une solution durable à ces préoccupations. Mireille Kanyang. Nous sommes au marché dit Côté-Bout, dans la partie où les petits poissons sont vendus. Les allées sont aérées, les acheteurs ne sont pas nombreux. Pour certains commerçants qui vendent un kilogramme entre 100 000 et 160 000 francs burundais, le prix du transport depuis Rumonge ou Kinindo, ajouté au prix d'achat, se répercute sur le prix de vente du poisson sec, surtout en ces temps de problèmes d'approvisionnement en carburant. Selon toujours ces commerçants, les clients ne sont pas si nombreux. Ils écoulent juste quelques kilogrammes par jour, 4 à 5 kilogrammes. Du côté des acheteurs, l'un d'eux fait savoir que la vie devient de plus en plus difficile. Il achète juste une petite quantité, dit-il, pour partager avec sa famille, mais c'est dur, nous a-t-il confié. Après le marché Côté-Bout, nous nous sommes rendus à la plage de pêche de Kajaga pour en savoir plus sur les causes de la rareté du ndagara se répercutant sur son prix. Pascal Ndekengurukiye évoque notamment des problèmes d'approvisionnement en carburant. Selon James Nunzwenimana, pêcheur depuis 1985, les petits poissons secs manquent aussi à cause du matériel de pêche. Ils utilisent aujourd'hui des lampes dont la lumière va jusqu'à 100 mètres, alors qu'avant, ils utilisaient des lampes allant jusqu'à 350 mètres de profondeur. Tous demandent au gouvernement de prendre en main cette question au profit du pêcheur, du vendeur et du consommateur. Toujours page commerce, les combats armés à l'est de la République démocratique du Congo ont paralysé et continuent de paralyser les activités économiques ainsi que le transport sur la route Bujumbura-Uvira en passant par la zone de Gatumba. Dans la province de Bujumbura, le chef de zone de Gatumba confirme cet état de fait et précise qu'en ce qui concerne ceux qui exercent le commerce transfrontalier, des efforts sont en cours pour les sensibiliser à se tourner vers d'autres activités génératrices de revenus afin de lutter contre le chômage. Les commerces et les transporteurs expriment leur souhait de voir la paix et la sécurité se rétablir durablement en RDC. Les détails dans ce reportage d'Evariste Ndikobanyang. Sur la route Bujumbura-Uvira, la circulation des véhicules qui assurent le transport des personnes et des biens est très faible par rapport à la circulation qui prévalait avant l'extension de la guerre à l'est de la RDC. L'exemple est celui du parking des véhicules qui font des navettes Bujumbura-Uvira, qui leur conducteur précise que le travail est dans la paralysie totale. Même pour ceux qui prennent la direction de Vira, il n'y a pas du travail. On peut passer 4 jours dans ce parking sans avoir aucun client. Les documents expirent alors qu'on travaille à perte à cause de cette guerre qui se déroule en RDC. D'autres activités économiques, en l'occurrence le commerce, sont sans bénéfice actuellement, indiquent les commerçantes et commerçants de la localité. Ils expliquent qu'ils ouvrent leur magasin ne fût-ce que pour trouver des taxes et impôts de l'État, car les clients de jadis ne viennent plus. Nous passons toute la journée sans avoir aucun client. Nos clients provenaient de Bukavu et Goma, mais aujourd'hui, ils ne viennent plus. Aujourd'hui, nous ne travaillons que pour avoir les taxes de l'État. Rien ne va. Les problèmes socio-économiques sont énormes. Le chef de zone Gatumba, Jean Muyoboke, confirme ce qui est dit par ceux qui font le commerce dans sa zone. Cette autorité ajoute que pour lutter contre le chômage, change chez ceux qui faisaient le commerce transfrontalier, l'on les sensibilise à mener d'autres activités génératrices de revenus pour éviter la délinquance. L'on doit s'adapter à tout changement dans la vie. Nous avons essayé de sensibiliser ceux qui faisaient le petit commerce de l'autre côté de la RDC à le faire dans des marchés locaux et la plupart l'ont fait et ont été bien accueillis par les gestionnaires de ces marchés en attendant que la situation se normalise en RDC. Que ce soit les commerçants de Katumba, que ce soit les transporteurs, l'idéal est la stabilité, de la paix et de la sécurité à l'est de la RDC pour que la vie puisse reprendre. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 18h12, poursuivons ce journal par la page élevage. En province de Bururi, une campagne de vaccination de 5 jours est organisée à partir de ce lundi. Elle concerne la dermatose nodulaire pour les vaches des communes de Bururi, Matana et Songa, ainsi que la fièvre afteuse pour celle des communes de Vianda, Rutovu et Mugamba. Selon le bureau provincial en charge de l'élevage, chaque éleveur devra payer 1000 francs burundais par vache pour le vaccin contre la dermatose nodulaire et 2000 francs bou par vache pour celui contre la fièvre afteuse. Le point avec Zénon Nzambiman. Cette campagne de vaccination contre la dermatose nodulaire et la fièvre afteuse débutera ce lundi 23 de ce mois en cours pour prendre fin vendredi 27 du même mois, comme l'a précisé ce mardi la directrice du bureau provisoire de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bururi. C'était au cours d'une réunion de mobilisation des autorités administratives et des techniciens vétérinaires communaux pour la réussite de cette campagne. Glorieuse Niwawe a indiqué que les vaches des communes Bururi, Matana et Songa, les plus touchées cette année par la dermatose nodulaire, c'est un vaccin contre cette maladie au moment où celles des communes Vianda, Rutovu et Mugamba seront vaccinées contre la fièvre afteuse. Une somme de 1000 francs burundais par vache sera exigée aux éleveurs pour le vaccin contre la dermatose nodulaire et une somme de 2000 francs burundais par vache pour la fièvre afteuse. Seuls les vaches de 6 mois et plus qui n'ont pas encore attrapé ces maladies seront vaccinées dans les différents sites qui seront identifiés dans les différentes zones de la province de Bururi par les administratifs à la base, comme l'a indiqué Clément Hishimana, responsable du service élevage au bureau provisoire de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bururi. Au moment où 20 vaches sont déjà mortes cette année suite à la dermatose nodulaire, sur les 38 cas de cette maladie, enregistré à ce bureau, Colonel Ludas Ibanezama, ce gouverneur de cette province qui dirigeait cette réunion, appelle les techniciens vétérinaires et les administratifs à la base à travailler convenablement et surtout à sensibiliser les éleveurs pour la réussite de cette campagne. Vous saurez que la province de Bururi compte au total plus de 100 000 bovins selon les données fournies par le bureau provisoire de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bururi. Depuis Bururi, Zénon Nzambimana pour la radio Isanganiro. Rendons-nous à présent à Tchahoudzo, le centre d'encadrement et de réinsertion des enfants en situation de rue situé dans la zone Mounzenze de la commune Mishiriha. Province Tchahoudzo a une capacité d'accueil de 200 enfants. Pourtant, dès le lancement de ses activités en 2024, il a accueilli 800 personnes, y compris des adultes qui seront transférés par la suite dans un autre site. Certains enfants témoignent vivre dans des conditions difficiles, notamment en ce qui concerne l'alimentation et l'habillement. Cependant, selon Nestor Vanigua, responsable adjoint du centre, ces enfants sont bien protégés et bien traités. Reportage de Jean-Marie Mayonga. Nous sommes dans un centre d'encadrement et de réinsertion des enfants en situation de rue situé à Mounzenze, dans la province de Tchahoudzo, qui se trouve à 37 km du chef-lieu de cette province. Arrivé là où se trouve ce centre, on y voit une clôture construite en briques cuites. À l'intérieur, il y a de nouveaux bâtiments modernes où sont logés les personnes adultes et enfants au nombre de 3 et un autre pour les bureaux. Dès notre arrivée à l'intérieur de ce centre, les enfants et adultes se précipitent pour présenter leurs problèmes. croyant avoir de solutions. Certains disent qu'ils mènent une vie difficile dans ce centre. On nous a raflé dans le quartier Buyenzi. Je n'habite ici qu'un mois seulement. On nous donne des aliments sans sel ni d'huile qui nous causent parfois des diarrhées. Nous demandons qu'on nous donne de quoi à faire pour quitter cet endroit. Nous recevons des habits après Prisier et moi. Ils ne nous donnent pas comme prévu. Vous voyez, les tricots sont déchirés et ne cessent de nous dire qu'il n'y a pas d'habits dans le stock. Nous manquons des habits pour nous habiller. Nestor Banigua, responsable adjoint de ce centre, indique que ce centre a une capacité d'accueil de 200 enfants, mais un grand défi est que le centre a accueilli les adultes. Concernant l'alimentation et les dortoirs, il précise qu'ils sont bien nourris et dorment dans de bonnes conditions. Le centre d'encadrement, au départ, a accueilli 800 personnes. C'était en 2024 à cause des adultes qui seront réintégrés dans leur communauté respective. Jusqu'en date du 13 juin de cette année, ce centre comptait des enfants, filles et garçons confondus au nombre de 55 et adultes, hommes et femmes au nombre de 129. Au total, les enfants et les adultes étaient au nombre de 184. Sur ce même sujet, le gouverneur de la province Changuzo, Boniface Hwanyedzako, explique que regrouper enfants et adultes dans un même centre peut engendrer des problèmes, raison pour laquelle ils ont décidé de trouver un autre lieu pour reloger les adultes. Page sport à présent, les athlètes sont appelés à se professionnaliser dans les disciplines qu'ils pratiquent en les considérant comme de véritables métiers porteurs de développement. Cet appel a été lancé ce jeudi par l'Institut d'éducation physique et des sports à l'occasion d'un colloque international sur le sport et le développement. Célestin Futsebanga, vice-doyen de l'Institut, a expliqué qu'il est nécessaire de mettre en place toutes les conditions requises pour que les athlètes soient appris à franchir ce cap. L'IEPES, dans sa mission, est là pour la promotion du sport, le développement et la recherche scientifique. L'objectif, effectivement, de ce colloque, c'est de réunir toutes les institutions sportives, tous les partenaires, tous les chercheurs du Burundi ou même étrangers à réfléchir sur la façon dont le Burundi peut participer d'une façon efficace dans les Jeux Olympiques par rapport à d'autres participations, tout en épuisant toutes les ressources possibles pour développer un athlète, pour développer des compétences des athlètes burundais afin que le Burundi puisse être représenté significativement dans les prochains Jeux Olympiques. Il y a des domaines où les dirigeants du monde sportif au Burundi négligent, ou même les athlètes eux-mêmes, mais à travers effectivement des réflexions, à travers des présentations, on va voir que être un athlète peut être un métier de la vie qui procure même de la vie tant d'autres métiers. Et ce qui est un côté faible du côté, si vous voulez, de nos athlètes burundais. Alors, ce colloque est là pour nous ouvrir les yeux à travers des présentations des chercheurs étrangers qui nous montrent effectivement comment il faut valoriser nos compétences, comment il faut valoriser nos ressources, afin que le métier d'athlète soit un métier comme les autres. Pour arriver à ce point, il y a plusieurs sorte d'intervention. Je dirais quatre domaines principaux qu'il faut interroger. Il y a d'abord le domaine d'administration, à la bonne gouvernance de nos organisations sportives. Il y a aussi le domaine des ressources financières dont les athlètes ou les organisations ont besoin. Troisième point important, c'est l'aspect technique. On a besoin des compétences des entraîneurs, des compétences des arbitres. Il faut aussi un apport des partenaires, un apport des sponsors. Voici en fait quatre domaines principaux qu'il faut pour arriver à la professionnalisation des athlètes. Dans cette même rubrique, l'ancienne athlète française triple championne du monde de karaté, actuellement participante au colloque international sur le développement du sport au Burundi, a salué positivement le projet Toutes en sport de Play International visant à éradiquer toute forme de discrimination basée sur le genre. Après avoir visité le chantier de Buterere, l'ambassadrice Laurence Fischer a constaté avec satisfaction que les jeunes filles s'intéressent s'intéresse de plus en plus au sport, au même titre que les garçons, et les a encouragés à persévérer dans cette même voie, car le sport, c'est la vie. On l'écoute. Je suis contente d'être ici à Buterere et je vois que les enfants s'amusent, sont très occupés à jouer et avec des animateurs très professionnels, très attentifs, avec des jeux vraiment qui mettent en avant le dialogue et la capacité pour les enfants de, tout en jouant, en courant, en s'amusant, d'exprimer leurs idées sur plein de thématiques, dont une thématique qui me tient à cœur, qui est l'égalité de genre et la lutte contre la discrimination. Donc c'est assez merveilleux de pouvoir se parler, que les enfants se parlent entre eux de ces sujets qui parfois sont difficiles, même des fois pour les parents. Et là, on arrive à en parler entre enfants, accompagnés par l'éducateur formé par Play International. Le sport aussi, ce qui est extraordinaire, c'est que ça peut aider, parce qu'aussi on a la confiance, ça peut aussi donner la confiance pour s'affirmer, faire les études, pour la concentration, pour le travail, et là ça donne la volonté, et du coup ça peut aider beaucoup à l'école. Et si on est bon à l'école, eh bien on peut aussi après avoir l'envie d'être entrepreneur et de voir, d'avoir ses propres activités ou de travailler. Et quand on travaille, on gagne de l'argent, et quand on gagne de l'argent, eh bien on est bien. Et c'est par ici qu'il mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse Kugimana pour sa parfaite collaboration technique. Au micro, vous étiez avec Cornelia Mucho.